Chapitre 12e. Le docteur Boitou est un de ces hommes dont on dit qu'ils n'ont pas d'âge. A-t-il 60 ans? En a-t-il 45? Bien osé qui se prononcerait à première vue et même après mûr examen. Il porte des favoris corrects qui grisonnent depuis 20 ans. Ses cheveux, longs sur la nuque et aux tempes, sont clairsemés au sommet de la tête, sans que la calvitie partielle ait été jamais plus marquée. D'une stature élevée, il a la tête haute et regarde bien en face, d'un regard qu'il n'est pas facile de soutenir. Ses yeux ont des plis narquois qui ne laissent pas que d'inquiéter. Ce n'est pas un méchant homme, ce n'est pas un bienveillant, ce n'est pas un sceptique, ce n'est pas un enthousiaste, bien qu'il soit par boutade, cruel, généreux, sarcastique, dévoué. C'est un fantaisiste, trop désabusé et point assez ambitieux pour être philanthrope. Ajouter qu'il est garçon serait un pléonasme. Médecin, parce qu'il faut faire quelque chose et que Boitou est curieux de son naturel. Indépendant par caractère, plus encore que par la fortune que ses parents lui ont laissée, il a acquis dans sa profession un rang très honorable, qui serait devenu le premier rang s'il s'en était donné la peine. Théoricien érudit, praticien habile, il n'a recherché ni les honneurs ni la clientèle. Pour mieux dire, il fuit les distinctions honorifiques et choisit ses clients. Qu'un malade sérieux réclame ses soins, il quitte tout pour aller à son chevet. Il a la religion du devoir professionnel et ne s'y soustrait sous aucun prétexte. Pour peu que le malade soit pauvre ou qu'il lui plaise, il néglige d'envoyer sa note. Mais il est impitoyable pour ce qu'il appelle les malades de genre. Ceux-là, il les fait payer pour les autres. Il lui faut rendre cette justice, au surplus, qu'il serait le plus heureux des hommes si cette clientèle disparaissait. Par malade de genre, le docteur Boitou entend ceux ou celles surtout, qui se donnent le luxe d'un médecin. « Ah, tu veux voir ton docteur, » dit-il entre amis de tel ou tel de ses clients. « Eh bien, tu vas le payer. C'est du luxe, ton docteur. Es-tu seulement en état d'avoir ton docteur ?» Il ne tarit pas de colibet quand on le met sur ce chapitre. Et c'est plaisir de l'entendre raconter sa manière de graduer les mémoires. Précisément parce qu'il ne court pas après la clientèle, il est très couru. Cela pose une maison d'avoir pour médecin le docteur Boitou. Dès qu'il s'aperçoit qu'on aspire à se donner le luxe de son docteur, il se prépare à jauger le client, c'est son mot. Il arrive à l'heure du déjeuner ou du dîner, cause, donne une consultation, raconte des histoires. Quelquefois, sans hésitation, naturellement, la maîtresse de maison lui dit « Monsieur le docteur, seriez-vous assez aimable pour déjeuner ou dîner avec nous ?» Dans ce cas, qu'il accepte ou non, le client est jugé. Il a droit à son docteur, n'économisant pas sur la table et pouvant recevoir à l'improviste un convive. Il payera le tarif ordinaire. D'autres fois, assez souvent, cette visite du docteur est un supplice pour le client. Le potage refroidi ou le rôti brûle. Il le comprend à l'impatience de la maîtresse de maison qui finit par lui dire « Monsieur le docteur, que je suis donc désolé de n'avoir pas été prévenu. C'eût été un grand honneur de vous avoir à déjeuner. » Ou à dîner. « Je n'ose vraiment vous offrir. » « Oh, 1000 pardons, madame, » fait-il en consultant sa montre. « Excusez ma distraction. Je suis honteux de m'être ainsi attardé et je suis attendu. » Il se retire. Avant d'être au bas de l'escalier, il a mis un petit signe sur son carnet. Quelques mois après, il fait la contre-expérience, qui a inévitablement le même résultat. Alors le client est jaugé. En sus du tarif ordinaire, il paiera le tarif supplémentaire de la vanité. Une seule fois, il faillit s'être trompé. À la contre-expérience, une de ses clientes l'invita à dîner. Le docteur était abasourdi, son pronostic n'était pas infaillible. Elle eut l'imprudence de lui dire qu'elle recevait en gala. Le docteur respira. Le tarif supplémentaire fut maintenu. Mais si le docteur Boitou a horreur des gens qui sacrifient tout, même leur estomac, à la passion de paraître, il a du fanatisme pour les caractères vrais, surtout pour les vraies femmes. Afin de les étudier et de les connaître, il ferait tous les jours 10 kilomètres à pied, lui qui ne va jamais qu'en voiture. Dès les premiers moments, Mélanie lui avait paru être une vraie femme, et il faut entendre de quelle façon large et compréhensive il prononce ces deux mots, une vraie femme. Son geste embrasse l'univers, Ses yeux ont des éclairs. Non qu'il soit enthousiaste par amour, il est trop curieusement observateur pour s'abandonner à la passion et trop flegmatique pour aller au-devant des émotions. Une vraie femme lui semble le chef-d'œuvre de la création et il a le culte du beau. Avec Mélanie, il n'en était pas encore à l'admiration. Mais cette jeune fille l'intriguait. Avant tout, il voulait surprendre le secret de la villa des Trapèzes. Aussi, le lendemain matin, prenait-il le premier train de Ville d'Avray et allait-il aux découvertes, muni à tout hasard d'une excellente lorgnette marine. Le temps était magnifique et d'une grande pureté. Le docteur, sachant qu'il ne verrait rien d'en bas, prit ses mesures pour dominer la maison de Mélanie. Il suivit le sentier qui, partant de la gare, monte directement jusqu'au mur de clôture du parc, puis il s'orienta, montant sur les aspérités, cédant de tous les accidents de terrain, utilisant les arbres, et ne dédaignant pas d'escalader les têtes fumier, s'il y trouvait avantage. Toutes les villas se ressemblent. Vu d'en haut, le coteau est une succession non interrompue d'arbres et de toits et d'arbres. Cependant, ayant pris ses distances et remarqué un massif plus épais que ceux des alentours, le docteur crut avoir trouvé le véritable poste d'observation. Il braqua sa lorgnette et attendit. Si, comme je le crois, elle fait de la gymnastique, c'est le matin, et aujourd'hui plus que jamais, car ses nerfs doivent être violemment surexcités. Je verrai certainement quelques mouvements. Un corps n'évolue pas en plein air sans qu'un observateur bien placé l'aperçoive. Et alors ? Le massif d'arbres qu'il tenait dans le champ de sa lorgnette restait d'une désolante immobilité. Les feuilles même n'étaient pas agitées, tant la brise était nulle. « Diable, diable » murmura-t-il, et son bras fatigué retomba. Ses yeux embrassèrent une plus grande étendue de terrain. Il lui sembla voir un peu à droite une agitation marquée. Il était si ardent dans sa curiosité qu'il ne fit pas attention aux battements précipités de son cœur et se mit à chercher un meilleur affût comme un chasseur lancé sur une bonne piste. Les arbres étaient agités, cela n'était point douteux. Quelle cause les mettait en mouvement ? Le docteur ne tarda pas à constater que c'était bien le branle des trapèzes ou de tout autre appareil de gymnastique. Il y avait pourtant des intermittences. Le massif rentrait quelquefois pendant quelques minutes dans l'immobilité, puis, brusquement, deux têtes d'arbre recevaient une impulsion tantôt saccadée, tantôt violente. Une des poutres doit s'appuyer sur deux troncs, pensait-il. Il ne restait plus au docteur, pour avoir une certitude, que de voir manœuvrer le gymnaste. Mais vainement essaya-t-il de toutes les échapper de vue. Le dôme de verdure était impénétrable. À défaut de certitude absolue, les présomptions étaient assez fortes, les déductions assez logiques pour le satisfaire. Il redescendit vers la villa, très décidé à n'en pas sortir sans avoir une explication. Il n'eut garde d'y entrer tout de suite. La gymnastique a pour corollaire obligé l'hydrothérapie. Mélanie manœuvrait depuis trois quarts d'heure, ce qui, chez une jeune fille surtout, dénote une force musculaire peu commune, des exercices continués journellement et depuis longtemps. Le docteur se posta le plus près possible du mystérieux massif. Il écouta et observa. Il n'apercevait plus les arbres agités, mais il lui semblait entendre un bruissement et par intervalles les fortes aspirations d'une respiration surmenée. Ayant scruté le chemin dans tous les sens et ne voyant personne, sans pitié pour ses habits qu'il allait traîner dans la poussière, il mit l'oreille sur le sol à la façon des sauvages. L'idée était heureuse. Le docteur entendit distinctement les secousses imprimées par le gymnaste tombant à terre. Il était enchanté des résultats de son expédition. Il devint radieux quand, un peu plus tard, s'étant remis dans la même position, il perçut le passage de l'eau dans les conduites et le jaillissement des douches. Le moment approchait où il pourrait utilement se montrer. Il répara tant bien que mal le désordre de sa toilette et alla sonner à la grille. Amiette, qui vint lui ouvrir, « Comment le malade a-t-il passé la nuit ?» Il n'a pas remué. « Très bien. Et mademoiselle ?» Elle est complètement remise. « Tenez, la voici. » Mélanie arrivait en effet. Elle venait par le fond du jardin, vêtue, comme la veille au moment du départ des témoins du duel, de sa robe de chambre. Le docteur s'avança vers elle avec empressement et lui tendit la main, autant par sympathie que par curiosité. « Je sais déjà, dit-il, je sais par miettes que votre faiblesse d'hier n'a pas eu de suite, et je vois avec plaisir que vous avez le teint reposé, et la main sans indice de fièvre. Permettez, cependant. » Il lui tâta le pouls, qui était d'une régularité parfaite, un pouls de pleine santé et de complet repos. Le docteur ne s'étonne pas facilement. Les phénomènes physiologiques seuls ont le don de l'émouvoir. En ce moment, il était vraiment ému. « Comment, pensait-il, après une heure d'exercice, pas une trépidation dans le sang ?» Il ne manifesta rien de sa surprise et se fit conduire dans la chambre où gisait Julien de Mulset. Le délire ne s'étant pas déclaré dans les 24 heures ne se produirait pas maintenant. Il n'y avait qu'à attendre. Il fallait même attendre 1 ou 2 jours avant de nourrir artificiellement le patient. La visite au lit était donc à peu près inutile, mais le docteur cherchait un biais pour amener Mélanie à lui faire ses confidences. La jeune fille n'y paraissait pas penser. Elle lui montrait les dispositions qu'elle avait prises comme garde-malade. Près de la fenêtre, dont les volets étaient fermés afin que la chaleur ne fatiguât pas Julien, elle avait placé sa table à ouvrage. Sur un guéridon se trouvaient quelques volumes. « Pouvez-vous lire et travailler ici ?»« Travailler, oui, à de menus ouvrages que les mains font toutes seules. Lire, non. » Quand j'éprouve le besoin de distraire ma pensée des tristes souvenirs dont j'ai sous les yeux le vivant témoignage, je me retire dans ma chambre et j'essaie d'oublier en lisant. « Ma bibliothèque est à votre disposition, mademoiselle. Je n'ai pas que des ouvrages de médecine, et vous pouvez choisir dans ma collection de classiques, de livres d'histoire et même de romans. » Le docteur appuya sur ces derniers mots. « Merci, docteur, répondit-elle. J'ai à peu près tous les classiques. L'histoire me semble trop partiellement écrite. Quant au roman, eh bien, je n'en lis pas, je n'en lis plus. » Mélanie inclina légèrement la tête et ferma les yeux. Elle se recueillit ainsi 1/2 minute, puis, craignant sans doute d'être interrogée, elle secoua sa torpeur et reprit. « J'ai adopté pour mes lectures habituelles les récits de voyage et les fantaisies scientifiques de Jules Verne. Le journal Le Tour du Monde est mon guide. Je le complète en me procurant les ouvrages antérieurement publiés sur les pays dont il parle. C'est une excellente méthode et une substantielle nourriture intellectuelle, à coup sûr bien préférable à la lecture des romans. » Mélanie ne sourcilla pas. « Laissez-moi vous donner un conseil, ajouta-t-il. Je vous crois courageuse et vaillante. Je ne doute pas que vous n'accomplissiez la mission que vous avez sollicitée. Mais la force morale peut être trahie par la fatigue physique. Vous n'êtes qu'au début de votre longue station de garde-malade. Il est essentiel que vous régliez bien votre manière de vivre et que vous ne vous cloîtriez pas. L'exercice est nécessaire, surtout aux jeunes personnes. J'ai mon jardin, l'air est très bon ici. Cela ne suffit pas. Vous étiez habitué à une vie active, et si j'en juge d'après ce que l'on m'a raconté, vous devez avoir besoin, je dirais volontiers, de fatigue physique. Comment cela ? Interrogea vivement Mélanie. Le docteur ne releva pas cette quasi-exclamation. En lui-même, il se sentait près de son but. « Oui, reprit-il, du récit que l'on m'a fait de votre rencontre, pardonnez-moi si je reviens sur cet incident, je parle en médecin, j'ai surtout retenu une certaine valse d'un mouvement précipité qui vous a laissé aussi calme, aussi peu agité que si vous aviez fait une simple promenade hygiénique. Il y a dans ce fait quelque chose d'anormal, que les profanes n'ont pas cherché à expliquer, qui, pour moi, dénote une puissance d'organisation développée par l'exercice. » Mélanie s'était relevée d'un mouvement automatique. Elle fixa sur les yeux du docteur ses grands yeux expressifs. De la main, elle comprimait les battements de son cœur. Le docteur attendait, anxieux, ému, lui aussi, et n'osant prononcer une parole de peur de rompre le charme, de perdre le bénéfice de la surexcitation qu'il avait provoquée. La jeune fille se sentait dominée par l'homme de science et attirée par l'ami discret et sûr qu'elle pressentait en lui. La lutte fut courte et décisive. « Venez, docteur, dit-elle enfin, j'ai confiance en vous. » Elle sortit de la chambre, descendit l'escalier, passa dans le jardin et s'engagea dans le massif délibérément d'un seul jet, pour ainsi dire.